بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل جلاله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur la continuité de l'étude du livre « Les règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ». En invoquant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actions. « Wa yaj'alana min al-fa'izina » في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد. Donc on va continuer sans plus attendre. On s'est arrêté lorsque l'auteur nous mentionne un sujet important ici que nous on a synthétisé pour mieux comprendre et profiter de la parole et de l'argumentation de l'auteur. Du fait pourquoi les savants anciens et contemporains se sont efforcés de réfuter et de répondre à la doctrine de l'interprétation des textes d'attributs, qu'ils considèrent, comme l'auteur ici le stipule, comme falsification des textes d'attributs. Du fait qu'on a appris que les textes sacrés concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des versets, des passages du Coran, ou bien que ce soit des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a la mention d'attributs divins, c'est-à-dire d'attributs d'Allah, on a dit la règle, c'est de les comprendre, de les prendre selon le sens apparent. Selon le sens apparent. Et donc, qadiman wa hadithan, et donc, que ce soit dans les premières générations jusqu'à aujourd'hui, les grands savants musulmans se sont efforcés d'enseigner et de clarifier le fait qu'il faille prendre le sens apparent des textes d'attributs et de ne pas avoir recours à interprétation. Pourquoi ? Et donc c'est ce qu'on s'est forcé d'apprendre ici, le pourquoi de ne pas avoir recours à l'interprétation ou à la falsification. Pourquoi ? Et justement, tous ces points que mentionne l'auteur, justement, mentionne des points et argumente sur le fait que leur méthodologie, ceux qui ont falsifié justement et n'ont pas pris le sens apparent, on dit falsifié parce que l'auteur considère, il enseigne ici que l'interprétation des textes d'attributs est une forme de falsification. Et donc, pourquoi ? Pourquoi ? En quelque sorte, l'auteur nous évoque les arguments, il argumente sur cela. Et donc, on avait évoqué différents points. Différents points. On va continuer, Inch'Allah. Ensuite, lorsqu'on aura fini d'évoquer les différents points de l'argumentation de l'auteur, on pourra, Inch'Allah, les réviser et les mentionner d'une manière rapide et succincte, Inch'Allah. Là, pour avancer, Inch'Allah, on va continuer directement où on s'est arrêté dans la dernière assise. Donc l'auteur, pour qu'on puisse bien suivre et vous compreniez et que vous puissiez bien comprendre, c'est que l'auteur mentionne différents points concernant le fait que cette méthodologie-là, le fait de ne pas prendre les textes d'attributs selon le sens apparent, que cette méthodologie-là et cette conception-là est fausse et erronée. Et donc il mentionne différents points. Jusqu'à ce qu'on était arrivé au point où il dit Et on s'est arrêté justement au cinquième point. Donc on a, dans la dernière assise, évoqué les quatre premiers points. Les quatre premiers points, vous êtes d'accord? On s'est arrêté au cinquième. C'est-à-dire qu'on avait commencé à lire le cinquième, mais comme on avait pris un peu de temps dans la dernière assise, on s'est arrêté à la fin du cinquième point. On s'est arrêté à la fin du cinquième point. Donc la base, donc à titre de révision, ce cinquième point, pour qu'on puisse le terminer, l'auteur nous dit, dans ce cinquième point, que celui, par exemple, qui nie le sens apparent des textes, et on a dit cette question, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle a suscité débat déjà depuis des générations anciennes, dans les sociétés musulmanes et dans la communauté musulmane, ce sujet-là, jusqu'à aujourd'hui, suscite débat. La compréhension des attributs divins, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ce sujet suscite un grand débat chez les savants musulmans, il est important pour le musulman de comprendre ce débat et pourquoi les savants de la Sunna qadim n'ont pas eu recours à l'interprétation et à la négation des textes d'attributs, et vous allez mieux comprendre dans ce qui va suivre. Alors, dans le cinquième point, dans l'argumentation de l'auteur, vous avez pu voir que, si vous vous rappelez bien de l'assise d'hier, que l'auteur a émis des questions, un questionnement. C'est-à-dire, celui qui nie le sens apparent des textes d'attributs, de ses attributs, de lui poser la question, est-ce que lui-même est plus connaisseur au sujet d'Allah que Allah lui-même? Vous vous rappelez les questions que l'auteur a émises, de dire à la personne, par exemple, qu'il se pose ces questions-là, de poser ces questions-là, la personne qui n'accepte pas le sens apparent des attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui sont mentionnés dans les textes sacrés, alors de poser cette question-là, d'émettre cette question, est-ce que lui-même est plus connaisseur d'Allah que Allah lui-même? Et bien sûr qu'il répondra que non, que Allah Azzawajal est plus connaisseur à son sujet que lui-même. Pourquoi? Parce que ce débat, comme on l'a dit, c'est un débat dans la communauté musulmane entre musulmans. Donc des gens qui croient en Allah et en la véracité des textes sacrés. Jusqu'à ce qu'ensuite on pose la question. Et donc, ce qu'a informé Allah Azzawajal à son sujet, est-ce que cela est vérité et vrai? Et donc, la personne ne pourra que dire oui, ce qu'Allah Azzawajal a informé à son sujet est vrai et vérité. Et donc, de demander aussi d'émettre la question. Et donc, connaît-il une parole plus éloquente, plus claire, plus explicite que la parole d'Allah? Naturellement, il dira non. Ensuite, d'émettre cette question, pense-t-il donc que Allah Azzawajal a caché et dissimulé la vérité aux créatures, de sorte que pour comprendre les textes, il faille revenir ici. Pour mieux les comprendre, il faille revenir à la raison, tellement les textes ne sont pas assez clairs. Bien sûr, naturellement, il répondra non. Ensuite, l'auteur dit d'émettre des questions concernant la sunna, concernant la tradition du prophète. Est-ce que celui-ci serait plus connaisseur d'Allah que le messager lui-même? Que le messager lui-même? Bien sûr, il répondra non. Qui n'est pas plus connaisseur que l'envoyé d'Allah, au sujet d'Allah, que l'envoyé, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même plus connaisseur que le prophète, au sujet d'Allah. Et donc, d'émettre cette question, est-ce que ce qu'a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'Allah, est-ce que cela est vrai et vérité ou non? Naturellement, il dira que c'est vrai et vérité. Ensuite, d'émettre cette question, et donc, connaît-il plus véridique, plus éloquent, plus clair que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Naturellement, que répondra-t-il? Non. Non. De ce fait, alors ensuite, d'émettre cette question, connaît-il une personne qui serait un meilleur conseiller dans ce domaine que le prophète et l'envoyé lui-même? Naturellement, la réponse serait non. Il n'y a pas meilleur conseiller en matière dans le domaine religieux que l'envoyé d'Allah lui-même, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il, naturellement, répondra non. Et c'est là ensuite que l'auteur, donc, émet donc justement ce jugement en disant pourquoi alors, après les réponses à ces questions, pourquoi la personne prend-il le risque et a le courage de nier ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et ce que l'envoyé a affirmé pour Allah Azzawajal. Par contre, il n'a pas le courage d'affirmer ce qu'Allah Azzawajal s'est affirmé pour lui-même ainsi que son messager. Et donc, vous vous rappelez, on avait évoqué cela et on s'était arrêté sur ça. Dans la dernière assise. Donc jusque-là, c'est compris. Est-ce qu'il y a une incompréhension? Puisque là, ce qui va venir, il faut être bien, il faut être lucide. Puisque là, on est dans un sujet qui est très important. Donc il faut être bien concentré. Si vous avez une question, jusque-là, n'hésitez pas, posez la question, sinon on continue. Donc jusque-là, vous comprenez, c'est clair. Et donc en fait, ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que le débat de l'interprétation des attributs divins, des attributs d'Allah Azzawajal, ce sujet-là a suscité grand débat depuis des générations lointaines et des temps lointains. Et donc, c'est pour ça que le croyant et la croyante doivent comprendre ces sujets-là, et ça va nous permettre ensuite de comprendre de grands écrits, de grands livres, et de connaître ce sujet, et de connaître son créateur. De connaître son créateur. Alors, si on a compris ce qui a précédé, lorsque l'auteur, maintenant, continue. Lorsque l'auteur, ensuite, après avoir émis ses questions et ce questionnement-là, et donc, la personne, par exemple, croit au fait qu'il n'y a pas mieux connaisseur au sujet d'Allah si ce n'est Allah lui-même. Et que aussi qu'il n'y a pas plus connaisseur d'Allah Azzawajal si ce n'est son envoyé, et que lui-même ne peut pas être meilleur connaisseur dans ce domaine et connaître Allah mieux que l'envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si celui-ci aussi reconnaît que la parole d'Allah Azzawajal est claire, vérité, et celle-ci est explicite, ainsi que le discours du prophète sallam est clair, explicite, alors, en quelque sorte, c'est comme si l'auteur dit, pourquoi ne pas prendre le sens apparent des textes d'attributs? Et pourquoi prendre le risque d'interpréter ces textes? Surtout qu'on avait mentionné dans l'argumentation et les points précédents que lorsque on donne une interprétation à l'attribut, par exemple, on n'est pas sûr que c'est réellement le sens voulu d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on avait donné l'exemple clair dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète, dans le récit, dit qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit au premier ciel, le fait d'interpréter la descente, par exemple, là on est dans un hadith d'attribut, puisque le prophète même parle de la descente d'Allah azzawajal au premier ciel. Donc le fait qu'Allah azzawajal descende au premier ciel, ça fait partie de ses attributs. C'est ça qu'on appelle les attributs divins. Donc c'est un hadith d'attributs. Comment comprendre la descente d'Allah Azzawajal? Le sens apparent, on avait dit, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Donc le sens, c'est qu'Allah Azzawajal descend au premier ciel, au dernier tiers de la nuit. Ça, c'est le sens apparent. On ne peut pas ici l'interpréter pourquoi? Pourquoi les savants se refusent d'interpréter la descente ici? Le terme a été interprété. Puisque certaines doctrines, selon certaines pensées, justement, les négateurs ont refusé de croire en la descente d'Allah Azzawajal et d'affirmer cela. Donc, ils ont eu recours à l'interprétation, en disant qu'en fait, c'est dans le sens la descente de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de sa miséricorde, et non la descente d'Allah azzawajal lui-même. Sauf que cette interprétation, en fait, le fait de détourner le sens apparent. Pourquoi ? Parce que le fait d'interpréter le sens apparent de l'attribut du texte ici, c'est le détourner de son sens apparent. Et donc, lui donner un autre sens. Donc, en fait, on avait appris dans la dernière assise que la personne, à ce moment-là, fait deux choses. Elle nie, premièrement, le sens apparent du texte, et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle affirme un autre sens. Elle affirme un autre sens. Et l'auteur nous enseigne donc, pour la première chose, il faut une preuve, et pour la deuxième chose, il faut une preuve. Lorsque la personne nie le sens apparent, en l'occurrence ici dans ce hadith, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit. Lorsqu'Allah azawajal l'a rapporté dans le récit, qui dit « Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne ? Qui est-ce qui me demande que je l'exauce ? Qui est-ce qui m'implore que je lui donne ?» Une traduction relative du sens du récit. Le fait de nier le sens apparent, première chose, il faut une preuve prouvant qu'il faille nier le sens apparent, premièrement. Deuxièmement, le fait de lui donner un autre sens. Le fait de lui donner un autre sens. En, par exemple, ici, à titre d'exemple, le fait de dire qu'en fait, c'est l'ordre d'Allah ou sa miséricorde qui descend. Il faut une preuve que le sens voulu du texte, c'est bien cela. C'est bien cela. Or, pour ces deux questions-là, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on a dit il y a deux possibilités, hypothèses. Soit il y a les preuves, soit il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve à ces deux questions, la négation du sens apparent et l'affirmation d'un autre sens. Il n'y a pas de preuve. Et justement, le partisan de cette doctrine sera dans l'impossibilité d'apporter une preuve. Donc si celui-ci est dans l'impossibilité d'apporter une preuve, cela est considéré comme quoi ? Qu'est-ce qui répond ? Macha Abdennoli l'a répondu. Macha, qu'est-ce qui répond ? C'est considéré comme quoi s'il ne peut pas apporter de preuve ? Ni pour la première question, ni pour la deuxième. S'il ne peut pas porter de preuve, donc c'est considéré comme quoi ? C'était justement tout, c'était fait partie d'une grande partie du cours d'hier. Si par exemple, la personne dans les premières choses, qu'est-ce qu'il fait ? Il nie le sens apparent. Donc on lui demande une preuve. Deuxièmement, il apporte un sens, puisque lorsqu'on interprète le sens d'un attribut, on lui donne un sens. Donc il apporte un sens, on lui demande une preuve. S'il est dans l'impossibilité de rapporter une preuve, de prouver que le sens voulu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet d'Allah, qu'Allah descend au dernier tiers de la nuit au premier ciel, si alors on interprète que la descente d'Allah azzawajal serait la descente de sa miséricorde, ou la descente de son ordre. Il faut une preuve pour prouver cela. Comment est-ce qu'on peut être dans la certitude que c'est ce sens qui est voulu par le prophète, lorsque le prophète nous informait de la descente du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il faut une preuve. Si on est dans l'incapacité d'émettre et d'apporter une preuve, on a dit cela est considéré comme arsens. Très bien, c'est ce qu'avait dit Mashallah Abdennour. C'est parler sur Allah sans savoir. Et on a dit que dans notre religion, le fait de parler sur le Créateur sans savoir fait partie des plus grands péchés. Fait partie des plus grands péchés. Donc ça, c'est des éléments, ici, qui nous répondent à cette question très importante. Pourquoi les grands savants musulmans de la Sunna, depuis les premières générations jusqu'à nos temps, se sont refusés d'interpréter ? Malgré que l'interprétation des textes d'attributs, ensuite on avait dit, s'est répandue dans le monde musulman jusqu'à ce que cette pensée-là est devenue dominante. Elle était dominante dans le monde musulman. Si on a compris ça, écoutez bien maintenant, on continue. Lorsque l'auteur ensuite nous dit qu'après avoir émis ces questions, et que, par exemple, la personne croit en la véracité du message de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la véracité du message du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et que sa parole est claire, explicite et d'une plus grande éloquence, alors pourquoi n'accepte-t-il pas le sens apparent du texte, on stipule bien, du texte d'attribut? Pourquoi s'aventure-t-il, pourquoi prend-il des risques à nier le sens apparent du texte? Et pourquoi n'a-t-il pas le courage d'affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même et ce que l'envoyé s'en a affirmé pour lui-même? Dans l'explication, je reviens quelques points, puisqu'hier on avançait dans Al-Metn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, pour pouvoir avancer et terminer les points. Pour cela, on arrive au cinquième point. Mais là, on va aller un peu dans l'explication de l'auteur lui-même. Et on ne peut pas avoir meilleur connaisseur des propos de l'auteur si ce n'est l'auteur lui-même. Pour ça, l'œuvre, elle est pertinente puisque l'auteur l'a lui-même commenté. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Al-istifham huna l'inkar » lorsqu'il pose cette question-là. Mais pourquoi s'aventure-t-il et prend-il des risques à nier au lieu d'affirmer? Donc ça, c'est mon résumé à moi de cette question-là. Il dit en fait, c'est une question qui montre ici le désaccord. Qui montre le désaccord, acide de désaveu. Yarni, tajbunu an tuqarra bima akhbara Allah bihi an nafsihi ou akhbara anhu rasuluhu thumma tuqdimu ala an tuharrifa dhalik an mawdi'i. Pourquoi? Parce qu'il dit, sa parole revient en résumé à dire, la personne n'a pas le courage d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, et ce que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour lui-même, mais il va prendre le risque de falsifier le sens apparent. Vous avez vu le paradoxe? Pourquoi l'auteur dit il n'a pas le courage? Le terme en arabe ici, il cite Watajbounou. Il n'a pas, en termes littéral, si je traduis littéralement, il fait preuve de lâcheté. Du fait de ne pas affirmer le sens apparent, mais de prendre le risque d'aller falsifier le sens. Pourquoi l'auteur dit cela? Parce que on voit que celui qui ne veut pas affirmer le sens apparent, ici, ne veut pas affirmer, par exemple, l'attribut de la main, des mains, du visage, de la descente, de l'élévation au-dessus du trône. Donc ces attributs-là, c'est comme si le croyant, à ce moment-là, lorsqu'il est face à des textes d'attributs, il est mentionné l'attribut du visage, pour le Créateur, l'attribut d'Allah, il est affirmé dans les textes les deux mains, lorsqu'Allah, par exemple, dit à Iblis, « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains ?» À ce moment-là, il ne veut pas affirmer deux mains. Donc ici, il va nier l'attribut des mains pour le Créateur. Donc il ne va pas avoir le courage. Vous comprenez pourquoi l'auteur parle de courage? De courage d'affirmer Sifat al-Yadayn, l'attribut des mains, mais il va avoir le courage de nier. Or, le sens apparent est clair. Allah dit dans le verset, il dit à Iblis, au Satan, et lui dit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? Le sens apparent est clair. Mais dans ce qui va suivre, vous allez mieux comprendre comment comprendre cela. Et comment pouvoir affirmer cela. Vous allez mieux comprendre. Alors, c'est pour cela que l'auteur dit, par contre, n'a pas eu le courage d'affirmer l'attribut divin, l'attribut d'Allah Azza wa Jal, en l'occurrence ici, j'ai donné l'exemple des deux mains, mais Par manque de courage d'affirmer l'attribut, celui-ci va avoir recours donc à la falsification. Donc il aura le courage de falsifier. Or, il dit, quelle était l'obligation du croyant ? Du croyant, c'est d'accepter le texte apparent. Le sens, c'est-à-dire apparent. Et de dire « Sami'na wa saddaqna » et de dire « Nous avons entendu et nous y croyons » au sens apparent. Puisque si Allah Azzawajal nous informe au sujet de l'attribut des deux mains, Allah est plus connaisseur de son être que nous, on l'est. Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aussi est plus connaisseur. C'est le plus connaisseur des créatures au sujet du Créateur. Donc si Allah Azzawajal s'est affirmé cela pour lui-même, Sifat al-Yadayn, l'attribut des deux mains, le croyant ne peut que accepter cette information et cet enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Mais regardez ce que va dire l'auteur, c'est très pertinent. Donc ici, pour ceux qui suivent le commentaire, vous avez pu voir que on lit pas tout le commentaire parce qu'il est très long, mais j'ai pris des passages. J'ai pris des passages qui sont... tous les passages, alhamdoulilah, sont pertinents. Mais il y a des passages qui sont plus simples à comprendre et dont elle fait Ida, l'enseignement est profitable pour nous à notre niveau. Profitable pour nous à notre niveau. Regardez ce que va dire l'auteur. L'assise d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera vraiment bénéfique comme les autres, Inch'Allah, par rapport aux paroles de l'auteur. On va apprendre des enseignements très importants. Il dit, alors, ce qui incombait aux croyants, c'était de dire nous avons entendu et nous avons cru. Walhamdulillah. Et cela, on dit, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez ce que va dire l'auteur. Il dit, la tata'arad. Fannusus. Il dit, les textes eux-mêmes, les textes sacrés, ne se contredisent pas. L'auteur va nous expliquer que les textes ne se contredisent pas. Fannusus al-muthbita tuqranu bin-nusus an-nafiyah. Regardez bien ce que va nous enseigner l'auteur. Il dit en fait, pour bien comprendre le sujet, les textes où il y a affirmation d'attributs, il faut les joindre avec les textes où il y a négation. Écoutez bien cette règle-là. Les textes où il y a affirmation d'attributs, il faut les joindre, les lier à d'autres textes où il y a négation d'attributs. Où il y a négation d'attributs. Regardez, je vous donne l'exemple que va donner l'auteur. Il dit par exemple, et pour cela, il va mentionner la parole d'un ancien érudit dans Ilm al-Kalam, dans la théologie dialectique et la spéculation. Il va mentionner justement l'expérience et la parole d'un ancien savant érudit dans Ilm al-Kalam et la spéculation et la théologie dialectique. Il va faire allusion ici à un savant qui s'appelait Ar-Razi. Ar-Razi dit, كما قال Ar-Razi, et dit وهو من أئمة الكلام العظماء قال أقرأ في الإثبات. Il dit, je lis des passages dans le Coran, des textes d'affirmation. Lorsque vous avez compris, lorsqu'il dit d'affirmation, c'est-à-dire d'affirmation d'attributs. Par exemple, des textes d'affirmation, il va donner l'exemple Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône, ou élevé au-dessus de son trône. C'est un texte, c'est un verset d'attributs. C'est un verset d'attributs. Parce qu'il y a la mention de l'attribut de l'istiwa. L'istiwa, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône. Donc ce verset est considéré comme un verset d'attributs. Il donne aussi l'exemple d'un autre verset. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Vers lui monte la bonne parole. Vers lui monte la bonne parole. Ensuite, un autre verset. Laysa kamithlihi shay. Ensuite, un autre verset. Wala yuhituna bihi ilma. Si vous regardez ces versets-là, vous constatez que dans le premier verset, Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Le deuxième verset, vers lui monte la bonne parole. Le troisième verset, rien n'est semblable à lui. Le quatrième verset, et rien ne peut le cerner et ilman. Wala yuhituna bihi ilman. Par le savoir, rien ne peut le cerner, c'est-à-dire le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'on a, dans les deux premiers versets, on a affirmation. Dans les deux autres versets cités, on a négation. Dans les deux premiers, il y a l'affirmation de l'attribut de l'istiwa, de l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Dans le deuxième verset, on a un verset qui prouve l'élévation d'Allah, puisqu'il est dit « Ilayhi yas'adul kalimun tayyib » vers lui monte la bonne parole. Donc ça affirme l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Et dans les deux autres versets cités ici, on a « Laysa kamithlihi shay » rien n'est semblable à lui. C'est une affirmation, une négation. C'est une négation. On a un autre verset, rien ne peut le cerner par le savoir. Rien ne peut cerner le créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est une affirmation, une négation. C'est une négation. En fait, c'est ce que va nous expliquer l'auteur. Pour comprendre l'affirmation, il faut la joindre à la négation. Et il donne l'exemple de Ar-Razi, qui était une grande figure, un grand érudit parmi ulama al-kalam. Ulama al-kalam, c'est comme on l'a dit précédemment, c'était des grands savants de la dialectique, c'est-à-dire de la théologie dialectique, c'est-à-dire ceux qui ont spéculé et philosophé à travers ou dans le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres domaines. Sauf que à la fin, Ar-Razi en est arrivé à cette conclusion. Après tout un parcours, tout un cheminement, toute une vie dans la théologie dialectique, il, à la fin, il dit وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبِ أَوْ تَجْرِبَتِ وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَتِ عَرَفَ مِثْلَ مَعْرِفَتِ لِأَنَّهُ خَاضَ عِلْمَ الْكَلَامِ وَعَلِمَ الْمَنْتِقِ وَلَمْ يَنْتَهِ فِيهِ إِلَى شَيْءٍ. Et il dit, et celui qui va connaître, qui va se rendre compte et vivre mon expérience, connaîtra cela. C'est-à-dire que, ici, l'auteur veut nous mettre en exergue, en apparence, qu'à la fin, Ar-Razi, dans sa citation, il mentionne texte d'affirmation, d'attribut, et il lit cela à la négation. Et en fait, l'auteur met en exergue que l'imam Ar-Razi, même s'il était une grande figure de la dialectique, de la théologie dialectique, de ilm al-kalam et de la spéculation dans le domaine des attributs et autres, que à la fin, cela ne mène à rien. Et ça, c'était l'expérience de nombreux grands érudits, théologiens justement, qui ont cheminé pendant de longues années dans ce qu'on appelle ilm al-kalam. Mais à la fin, leur conclusion, beaucoup, leur témoignage, est que cela les a menés à rien dans la connaissance d'Allah et de la religion. L'auteur nous dit, malgré son profond savoir dans la dialectique et dans la spéculation, et ce qu'on appelle ilm al-mantiq, et dans la logique, cela n'aboutit à rien. Et il dit, hatta Et justement, cela aboutit qu'à la fin, ils ont eu regret. Ils ont eu regret. Et dit, حتى إن بعض العلماء رحمهم الله, jusqu'à ce que certains d'entre eux, certains savants, parmi eux, on dit, أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. Jusqu'à ce que certains savants sont arrivés à une conclusion et dire que les gens qui meurent le plus avec des doutes ou qui meurent dans le doute au sujet d'Allah, ce sont les érudits dans la théologie dialectique. Ce sont les érudits dans la théologie dialectique. Si on reste en termes en arabe, ce sont les érudits dans Ilm al-Kalam. Ilm al-Kalam, ce sont ceux qui meurent le plus dans le doute. Parce qu'en fait, ensuite, leur spéculation les a menés vers Ash-Shak, vers le doute, en fait. Wa nas'alullah al-afiyah. Et l'auteur nous dit, on demande à Allah Azza wa Jal la préservation de cela. Wa shakku 'inda al-maut ay 'inda akhir as-sa'a. Et lorsqu'il dit le doute, que la personne meurt dans le doute lors de la mort, il sous-entend, il s'est dit, c'est dans le sens dans les derniers moments de sa vie. C'est dans le sens dans les derniers moments de sa vie, la personne sera prise et envahie en fait par le doute. Parce que Ilm al-Kalam va le mener. En fait, la finalité de Ilm al-Kalam sera le doute. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ensuite ont même témoigné de cela. Il y a des témoignages, hein. Là, on n'a pas le temps d'évoquer les témoignages, mais de grands érudits qui ont sombré justement et cheminé dans l'ilm al-kalam, eux-mêmes en témoignent qu'ensuite, ça les a menés vers le doute. Et donc, regardez, pour revenir, quel est l'élément, la faïda que nous donne le shir? Il dit en fait, pour comprendre l'affirmation, il faut la lier à la négation. C'est-à-dire, on a l'affirmation de la tribu des Debains. On la lie à la négation. Laïsa kamithlihi shay, mais rien n'est semblable à lui. On a l'affirmation de la tribu de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit au premier ciel. Mais on lit cela à la négation de Laïsa kamithlihi shay, mais rien n'est semblable à lui. On a l'affirmation de la tribu du visage. Lakin, on le lit à la négation que rien n'est semblable à lui, puisque rien n'est semblable à lui, c'est une négation. Rien n'est semblable à lui. Si on lit l'affirmation à cette négation-là, alors la problématique cesse dans l'esprit de la personne. Et de cette manière, il peut affirmer l'attribut de la bonne manière. C'est-à-dire sans s'imaginer le comment, sans s'imaginer que cet attribut est comparable à l'attribut de la créature. Puisque vous allez comprendre dans ce qui va suivre justement la cause qui fait que justement beaucoup n'ont pas affirmé le sens apparent par rapport à cela, parce que comme on l'a appris précédemment, ils pensent que le sens apparent du texte est du teshbih. Du teshbih, c'est-à-dire que l'attribut est comparable à l'attribut des créatures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas nié, ils n'ont pas lié l'affirmation à la négation. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Si on a compris cela, regardez l'auteur ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il va prodiguer un conseil. Regardez, Cheikh Ibn Uthaymeen va prodiguer un très beau conseil. Il dit falihada ansahu nafsi wa iyyak an la tata'ammaqa fi ma akhbara Allah bihi 'an nafsihi wa ma akhbara 'anhu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Qul sami'na wa saddaqna wa la tata'arrad li shay. Regardez ce que l'auteur nous dit ensuite. Il dit, pour cela, je me conseille moi-même, il dit. Donc là, c'est le conseil d'un érudit savant. Regardez ce qu'il se conseille à lui-même et ce qu'il conseille au reste de la communauté. Il dit, pour cela, je me conseille à moi-même. Wa iyyak, et à toi. La tata'ammaq. Regardez ce qu'il dit. Ne t'approfondis pas dans ce sujet-là. C'est-à-dire, ne va pas trop loin dans ce sujet-là. Le sujet des attributs du Créateur, des attributs d'Allah Azza wa Jal. Il dit, ne t'approfondis pas au sujet فيما أخبر الله به عن نفسه, au sujet de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a informé à son sujet et ce que son envoyé a informé au sujet d'Allah Azza wa Jal. Ne va pas trop loin dans cela. Mais dis, nous avons entendu et nous y croyons. Wala tata'ammaq. Il va expliquer l'exemple, c'est quoi le sens de ne t'approfondis pas, ne va pas trop loin. Vous allez comprendre dans ce qui va suivre. Il dit, dis, nous avons entendu et nous y croyons. Wala tata'arrad lishay. Et ne t'expose pas. Et ne t'expose pas. Fakathiran ma yunaqishu an-nas an qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il va donner un exemple. On a un hadith et beaucoup de gens débattent de ces sujets-là et de ces récits-là. Par exemple, on a un hadith qui a pu poser problématique. Qui a pu poser problématique à sa lecture pour une partie de gens. Pour une partie de gens, justement, qui n'ont pas ses bases. Qui n'ont pas ses bases. Par exemple, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Inna Allah la yamallu hatta tamallu » Allah ne se lasse pas jusqu'à ce que vous, vous vous lassiez. Une traduction approximative du sens du récit. Il est dit « Inna Allah la yamallu » Le prophète dit qu'Allah azza wa jal ne se lasse pas. « Hatta tamallu » Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Jusqu'à ce que vous vous vous lassiez. Ça, c'est un hadith. Ce hadith-là, il est authentique. Il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Alors, ici, la question serait, est-ce qu'on affirme sifatul malal pour Allah ou non? Puisque là, il y a la mention d'un attribut. En l'occurrence, ici, sifatul malal. Le fait de cesser de se lasser. Ici, il est dit qu'Allah ne se lasse pas. Donc, est-ce qu'il y a l'affirmation ici de sifat al-malal? Al-Jawab, Sheikh, il dit la réponse à cela, c'est de ne pas parler de cela. De ne pas, il dit Allah tatakallam bihada. Il dit, ne dis pas cela. En quelque sorte, ne parle pas de cela. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si on ne le dit pas. Sifat al-malal, vous avez compris, c'est, dans la récit, il est dit, certes Allah ne se lasse pas. Jusqu'à ce que vous vous lasserez. Si l'auteur nous dit, ne parle pas de cela, qu'est-ce qu'il faille faire alors? Dire comme le prophète a dit. Dire comme le prophète a dit. Ne pas aller plus loin que ça. Le prophète, sans simple, dans le hadith, dit, « Inna Allah la yamallu hatta tamallu » Dire comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Et l'auteur nous dit que le sens du récit, c'est quoi? C'est que Allah ne cesse de vous récompenser et de vous rétribuer. Ou Allah plutôt, littéralement, ne se lasse point. Allah, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, ne se lasse. Dans le récit, le prophète nous dit, ne se lasse point de vous récompenser et vous rétribuer, et vous rétribuer tant que vous vous lassez point de son adoration. De son adoration. Regardez l'explication, il dit Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Ay, la yamallu min al-thawabi wal jazai hatta tamallu min al-amal. Min al-amal. Donc, dans le sens que Allah Azza wa Jal ne se lasse point de vous rétribuer et de vous récompenser tant que vous lassez point, en quelque sorte, de l'œuvre. De son adoration. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, on dit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On répète le hadith, le récit. On dit comme le prophète a dit dans ce récit, Inna Allah la yamallu hatta tamallu. On dit comme cela. Mais il dit, on dit comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et on garde le silence, comme qui? Il dit, comme les compagnons, qu'Allah les agrée tous, ont gardé le silence. Pourquoi? Parce que regardez ce que va dire l'auteur ensuite. Il dit, كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةَ. Parce que eux, les compagnons, ont entendu le récit et ils ont gardé le silence sur cela. Donc le croyant doit apprendre que certaines questions, ne pas aller trop loin, trop s'approfondir et garder le silence, répéter le texte comme il a dit. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ هَلْ لِلَّهِ تَعَالَى أَصَابِعَ. Il donne un autre exemple. Il dit, c'est comme la parole de beaucoup, de certains, dans leurs questions, lorsqu'ils émettent une question, est-ce qu'Allah Azza wa Jal, on affirme par exemple les doigts? Al-Asabir. Les doigts. Du fait qu'il est venu dans un texte que le cœur des serviteurs est entre les doigts du miséricordieux. Du miséricordieux. Alors certains se sont approfondis sur ce sujet-là, se sont approfondis et ont dit, et se sont posé la question de combien. Ils sont entrés dans la question de combien de doigts, jusqu'à ce que l'auteur dit, certains ont émis des chiffres, dizaines, 20, 30, 40, al-jawab. Mais dit la réponse est, annahu laysa lana al-haqqu an natakallama bihadha. Et dit la réponse est, on n'a pas le droit de parler. Il dit sur cela. Mais nous, ce qui nous incombe, c'est de croire à ce qui est venu dans le texte. Dans le texte, il est dit que les cœurs des serviteurs sont entre les doigts du miséricordieux. On croit au texte. On le récite comme il est mentionné. Comme il est mentionné. Mais ensuite, de s'approfondir dans cela et d'aller loin dans cela, là, cela n'est pas de notre droit. Qala, on croit au texte comme il est venu. Wa naqul lillahi asabi'. Et on affirme. Oui, lillahi asabi'. On affirme cela puisque c'est venu dans le texte. Les cœurs des serviteurs sont entre les doigts du miséricordieux. Est-ce qu'on affirme l'attribut des doigts? Naam. Nous l'affirmons puisque c'est venu dans les textes. On affirme comme c'est venu. Mais rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala, et on n'essaye pas de s'imaginer le comment, puisqu'on ne peut pas se l'imaginer, notre conception, elle est limitée pour s'imaginer le comment de cet attribut. Et la nataramak, et on ne s'approfondit pas dans cela. Wa min dhalika ma dhukara min hadith ibn Mas'udin fi qissati حبري بن اليهود وذكره خمسة أصابع لله تعالى فيقول لكن هل هي لا تزيد الجواب أنه يجب علينا السكوت فهو أسلم لنا وأطهر لقلوبنا. Et ensuite Cheikh va donner exemple. Il y a des hadiths où il est mentionné des chiffres. Par exemple, on a hadith comme il est rapporté de Abdallah ibn Mas'ud ici, par exemple 5. Il y a un autre essai aussi qu'il est mentionné, 6. Malgré que des savants disent le hadith où il est mentionné 6, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Mais s'il est mentionné un chiffre dans un hadith, les savants disent cela ne nie pas autre. Pourquoi? Parce que c'est pas exhaustif. C'est pas dans le sens que il n'y a que cela. Il mentionne un chiffre, mais c'est pas dans le sens qu'il n'y a que cela. Mais l'auteur ici vient à un but, c'est qu'il faut garder le silence dans ces questions-là. De répéter, comme il est dit dans le texte, par exemple, dans le hadith, le prophète Sassam nous dit, le cœur des serviteurs sont entre les doigts du miséricordieux. De se contenter du hadith du prophète Sassam sans s'approfondir et débattre de ces sujets-là. Il dit donc, garder le silence, c'est la voie du salut. Écoutez bien ce que va dire l'auteur. Il dit, garder le silence, c'est la voie du salut et c'est la voie de la pureté du cœur. La voie pour la purification du cœur. Wa ahsan li khatimatina. Et c'est la meilleure voie pour la bonne finalité, pour bien quitter ce monde et partir de ce monde. Alors, celui qui veut le salut, la bonne finalité, la purification de son cœur, de ne pas s'approfondir dans cela. Regardez ce qu'il dit. Il dit que l'on débatte, que l'on polémique sur des questions liées à nos êtres à nous, à nos actes à nous, par exemple. Il n'y a pas de mal qu'on débatte et qu'on polémique sur des questions liées à nos actes, à nos actions à nous et à nos personnes. Il n'y a pas de mal en cela. Alors il dit, tu peux en débattre, tu peux rechercher en ce qui concerne les implications de tes actions, de tes paroles, tout ce qui est lié à nous, il n'y a pas de mal en cela. Tu peux rechercher et t'approfondir. Mais il dit, ce qui est lié au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, parmi ses attributs, kun adiban, il dit, et un bon comportement. En ce qui concerne les choses liées au Créateur, comme ses noms, comme ses attributs, il dit, ne t'expose pas. Kun adiban, et bonne éthique, un bon comportement, une bonne attitude concernant cela. Attache-toi au texte sacré, al-kitab wa sunnah. Tatamassak bil kitab wa sunnah. Aqulu hakada qala Allah. On dit, comme cela a dit Allah, et on n'outrepasse pas cela dans ces questions de l'invisible. Pourquoi? Parce que le domaine des noms divins et des attributs divins, est-ce que c'est le domaine de la science de l'inconnu, de l'invisible ou non? C'est le domaine de l'inconnu pour nous. C'est le domaine de ce qu'on appelle l'ilm al-ghaib, de la science de l'inconnu. Donc, il dit, dans le domaine de la science de l'inconnu, on ne peut pas outrepasser, dépasser, aller plus loin que les textes. On répète les textes. Et ce que le Créateur a dit. Allah dit, pour ceux que j'ai créés de mes deux mains. Ou dans l'autre verset, lorsqu'Allah Azzawajal dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner pour celui que j'ai créé de mes deux mains? C'est un texte d'attribut. On l'affirme et on le dit comme ça a été dit. On le dit comme ça a été dit. Par contre, rien n'est semblable au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut dépasser la parole d'Allah Azzawajal et la parole de son messager dans des questions de l'inconnu. Voilà un qu'oul. Et il y a une chose qu'il ne faut pas se dire. Regardez ce que l'auteur va dire. Yelzem min kada kada wa kada. Sans se dire, mais si on dit ça, cela implique telle et telle chose. Et si on affirme cela, cela implique telle et telle chose. Il ne faut pas rentrer dans ces implications-là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été menés vers le débat et la polémique et s'approfondir dans ces questions-là, c'est que justement, ils ont essayé de raisonner les implications. Les implications de ces attributs. Par exemple, ils se sont dit, et se sont imaginés que s'ils affirment l'attribut de l'élévation d'Allah Azzawajal au-dessus de son trône, de l'établissement, l'attribut de Al-Istiwa, alors ça implique l'affirmation du corps. Pourquoi? Parce que l'élévation est un mouvement. Le fait de s'élever et de s'établir au-dessus du trône, c'est un mouvement. Et pour tout mouvement, il faut un corps. Or, le corps, ils ont dit, selon leur philosophie, est créé. Donc ça, c'est des implications. Alors, ils se sont dit, si on affirme tel et tel attribut, cela implique telle et telle chose. C'est pour ça qu'on avait bien parlé de Al-Lawazim. Al-Lawazim. Al-Lawazim, ce sont les implications. Pourquoi? Parce que beaucoup sont rentrés, justement, et ont polémiqué et débattu sur les implications. Par exemple, comme on l'a appris précédemment, pour eux, l'affirmation de l'attribut du visage, ça implique quelque chose. Parmi les implications, teshbih, la ressemblance, la comparaison. Pour eux, affirmer l'attribut, ça serait comparer. Cette comparaison, c'est une implication pour eux. C'est pour ça que l'auteur dit, délaisse les implications de te dire, mais si j'affirme cela, ça implique telle et telle chose. وهو لا يلزمني بل ولا يلزمني أيضا أن أمثل بشيء أقرب المعنى. Alors que ça, ça fait pas partie de ce qui incombe aux croyants. Et il dit, de même, لا يلزمني. Il nous est pas imposé même, أن أمثل بشيء أقرب المعنى. De représenter la chose qui se rapprocherait du sens. Qui se rapprocherait, par exemple, du sens apparent, pour s'imaginer. Ça, ça ne nous est pas de demander. Illa idha alimta anna fi dhalika fa'ida, wa anna sahib yurid al-wusul ila al-haqiqati fala bas an umathila bi shay'in mahsusin hatta yaqila, fahadi masailun khatiratun jiddan fil waqi'in asallaha lana athabat. Regardez ensuite ce que va dire l'auteur. Donc on revient au texte. Donc ça, c'était le. Je voulais vous faire partager le conseil de l'auteur concernant cette question. Et là, vous voyez mieux que ça se clarifie et mieux à travers ces paroles. On comprend mieux l'importance de l'affirmation du sens apparent et de ne pas avoir recours à l'interprétation de l'attribut et du sens apparent du texte. Voilà. Regardez ce que va dire l'auteur ensuite dans le texte. وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. Regardez l'auteur ce qu'il dit. Il dit ensuite, où est le tort? Qu'est-ce qui te causera du tort et préjudice si tu affirmes ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même dans son livre et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah azza wa jalla comme attribut? Où est le tort? Où est ton tort? Et est-ce que cela te causera du tort d'avoir affirmé ce qu'Allah azza wa jalla s'est affirmé pour lui-même et ce que l'envoyé a affirmé pour Allah Azza wa Jal, mais dit selon la règle qu'on avait donnée, comme cela convient au Créateur subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'affirmer le sens apparent comme on avait dit avec la règle ici, comme cela convient Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, que tu prennes le sens apparent du Coran et de la Sunna, ithbatan wa nafyan. Il dit, est-ce que cela n'est pas plus saint et pur pour toi, wa aqwamu li jawabika, est meilleur pour toi pour la réponse à la question qui te sera posée yom al-qiyama, le jour de la résurrection, madha ajabatum al-mursalin. Une question sera posée le jour de la résurrection, Allah nous dit dans le verset 65 de la sourate al-qasas, une question sera posée aux gens, qu'avez-vous répondu au messager? Cette question sera posée. Yom al-Qiyama. Qu'avez-vous répondu? Mada ajabatum al-mursalin. Qu'avez-vous répondu au messager? Le temps nous enseigne ici. Est-ce que le fait de croire au texte apparent et de dire comme il est dit dans le texte apparent, c'est pas meilleur pour la personne et se mettre à l'abri, surtout le jour de la résurrection, lorsque la question sera posée, qu'avez-vous répondu au messager? Le fait de dire que la réponse était, Samirna wa saddaqna, nous avons entendu et nous avons cru. Et c'est pour cela qu'on récite et on croit et on affirme au sens apparent du texte ici d'attribut. Alors il dit, la voie de l'affirmation n'est-elle pas plus sûr, Vous avez vu l'argument, comment il est? Donc tout ça, tous ces arguments que l'auteur donne, c'est pour ça, ça nous aide à comprendre cette question-là, pourquoi depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui, les savants se sont refusés à interpréter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ont affirmés selon le sens apparent. Regardez ce que va dire ensuite l'auteur. On va se quitter ensuite sur cela, sur cette faïda. Il va dire: أَوَلَيْسَ صَرْفُكَ لِهَذِهِ النُّصُوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَتَعْيِينُ مَعْنًا آخَرَ مُخَاطَرَةً مِنْكَ. Il dit, il va dire sarfuka. Sarfuka, c'est le fait d'avoir détourné le sens apparent. Alors, je vais vous traduire littéralement. Le cheikh nous dit, ton détournement, je traduis littéralement, ton détournement du sens apparent, là on est dans l'explication, ton détournement du sens apparent, du texte, et le fait de lui avoir assigné un autre sens. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que, par exemple, l'attribut de la descente d'Allah, c'est dans le sens de la descente de son ordre ou de sa miséricorde. Ou bien, lorsque, par exemple, on interprète l'attribut des mains comme étant la puissance. Quand ils interprètent, c'est qu'ils disent, en fait, lorsqu'il est dit de ce que j'ai créé de mes deux mains, lorsqu'Allah dit cela, l'attribut des deux mains, en fait, ce n'est pas les deux mains comme on peut le comprendre dans le sens apparent, mais il dit c'est dans le sens de la puissance, de la force, al-quwwa, et dans le sens du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'on donne un sens, un autre sens, par rapport au sens apparent, l'auteur dit, ton détournement du sens apparent du texte, en lui assignant un autre sens, comme on l'a dit précédemment dans ces exemples-là. Est-ce que cela, il dit, n'est pas un risque de ta part? Est-ce que cela, en cela, tu t'es pas aventuré dans un danger? En cela. En fait, l'auteur, ici, exprime le fait que le fait d'avoir donné un sens, d'avoir nié, et de donner un autre sens, c'est s'aventurer dans quelque chose de périlleux. Et pour ça, littéralement, il dit, ne t'es-tu pas aventuré dans quelque chose de périlleux en détournant le sens apparent de le sens apparent du texte et lui ayant assigné un autre sens. Il dit, Al-Jawab, bala. Il dit, oui. Tu t'es aventuré dans quelque chose de périlleux. قَالَ فَلَعَلَّكَ الْمُرَادِ يَكُونَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَى او جَوَازِ صَرْفِهَا غَيْرَ مَا صَرَّفْتَهَا إِلَيْهِ. Regardez ce qu'il va dire, c'est très pertinent. Il va dire pourquoi tu t'es aventuré dans quelque chose de périlleux. Parce qu'il dit عَلَى تَقْدِيرِ, dans l'hypothèse. Donc là, il émet une hypothèse. Il dit, on va dans le sens qu'il serait permis de donner un autre sens, d'interpréter le sens apparent, dans l'hypothèse, il dit, ou qui serait permis de donner un autre sens au sens apparent, c'est-à-dire de l'interpréter. Il dit, dans l'hypothèse où cela serait permis, alors, le danger est, si on lui donne un sens qu'en réalité, ce sens-là n'est pas voulu, véritablement, par Allah Azza wa Jal. Si ce sens qu'on lui a donné, ce n'est pas le sens voulu, alors on s'est aventuré dans quelque chose de périlleux puisqu'on a donné au texte un sens non voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il dit, si en ce qui concerne l'istiwa, Allah dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône et s'est établi au-dessus de son trône. Si on dit que, en fait, le sens de l'istiwa, ce n'est pas l'élévation au-dessus du trône ou l'établissement au-dessus du trône, mais c'est istaoula. C'est dans le sens de istaoula, dominer le trône. Puisque certains l'interprètent de cette manière. Ils disent c'est dominer le trône. Alors, en fait, si c'est pas ça en réalité le sens, voulu par le texte, par Allah Azza wa Jal, si c'est pas istaoula, la personne dit que le sens de l'istiwa, c'est istaoula. Mais si en fait, le sens n'est pas cela. وأن يكون الاستواء هنا بمعنى غير الاستيلاء. Et que le sens de l'istiwa, ça sera un autre sens que istaula, que la domination. Donc là, en fait, tu as parlé sur Allah Azzawajal sans savoir et sans connaissance. Il dit al-jawab bala idan anta athbatta ma laysa laka bihi ilm. Et il dit, il est clair que le sens de l'istiwa, c'est pas istaula. Il est clair que le sens de al-istiwa, ce n'est pas le sens de dominer. Alors il dit, tu as affirmé pour Allah Azzawajal une chose dont tu n'avais pas la connaissance. Puisque tu dis que le sens de l'istiwa, c'est istaula. C'est dominer. Donc tu affirmes qu'Allah Azzawajal a dominé le trône. Or, ce n'est pas ce sens-là. Donc tu affirmes un sens non voulu et qui n'est pas le sens véritable de al-istiwa. Donc, il dit, tu as nié le sens apparent du Coran et de la Sunna. فَالْمَسَلَةُ خَطِيرًا. Pour cela qu'il dit qu'en fait, la question est plus gravissime qu'on puisse s'imaginer et le penser. Alors il dit, وَلَا تُجَادِلْ إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْكَ الْمُجَادَلَ. C'est pour ça qu'il dit, dans ce sujet-là, ne polémique pas et ne débat pas, sauf si tu n'en as pas le choix et s'il y a nécessité à débattre. Sinon, il dit, dans ce sujet-là, ne débat pas et ne polémique pas, sauf s'il y a nécessité de clarifier la vérité. Mais sinon, il dit, obstrue la voie vers la polémique et débat dans cette question-là. Et on termine avec une parole de Abdallah ibn Mas'ud dont fait allusion l'auteur. Il dit pourquoi obstrue la voie de la polémique dans ce sujet-là, dans ce domaine-là. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَا أُوْتِيَ قَوْمٌ الْجَدَلْ مَا أُوْتِيَ قَوْمٌ الْجَدَلْ إِلَّا ضَلُّ. Il dit que Abdallah ibn Mas'ud a dit, il n'y a pas un peuple à qui leur fut octroyé la polémique sans qu'ils se soient égarés. On voit qu'il n'y a pas de peuple qui ont sombré dans les polémiques sans qu'ensuite la finalité fût l'égarement. Ensuite, les gens, à force de polémiquer et de débattre, ensuite, ça leur ouvre les portes de l'égarement et des dérives. C'est pour ça, dans ce sujet-là, il dit ne pas débattre. Il dit, et c'est pour ça que là, on a fini le cinquième point. On a fini le cinquième argument. Ensuite, l'auteur va évoquer le sixième argument. Le sixième argument qu'on va, Inch'Allah, si Allah nous le permet, Inch'Allah, continuer demain, Inch'Allah. Le sixième argument qui est très pertinent. Et il dit, j'ai évoqué six arguments, alors qu'en fait, un seul suffisait. Vous avez vu dans tous les arguments que l'auteur cite ici, un seul argument suffisait en fait. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-a'lam. Wa billahi at-tawfiq.